Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et on va poursuivre sur le thème des émotions et de l'empathie. Maintenant avec Jean-Daniel Doucet, notre chroniqueur 100% chimique. Lui, il s'est posé la question suivante. Comment on fait finalement pour ressentir les émotions, pour ressentir les émotions tout simplement? Donc bonjour Jean-Daniel. Bonjour Valérie. Alors, comment on fait pour sentir les émotions? Ben, ouais. Évidemment, on va se servir de la chimie en partie, mais plus de biochimie. Et on va étudier de près les connexions complexes du cerveau en regardant des singes primitifs manger des peanuts, Valérie. Donc, c'est comme ça qu'on va le faire. Finalement, c'est peut-être un peu moins profond que comme façon de poser la question, finalement. C'est peut-être un petit peu moins profond. Comme... Ça nous rappelle aussi que finalement, nos cousins les singes ont aussi des émotions. Oui, on prend peut-être aussi des émotions et qu'on n'est pas très, très loin d'eux. Donc, ça nous prend souvent un modèle en science pour travailler de toute façon. Et c'est non moins révélateur de travailler avec des singes qui mangent des peanuts. Parce que c'est bien, bel et bien, en observant par hasard des singes manger des cacahuètes que des scientifiques italiens ont découvert en 1992. Ce qu'on appelle les neurones miroirs ou que d'autres vont appeler aussi les neurones empathiques. Mm-hmm. Hein, donc, on parle aujourd'hui d'empathie, des émotions, de compréhension des émotions des autres. Alors, les neurones miroirs, c'est une catégorie de neurones du cerveau qui s'active aussi bien lorsqu'un individu exécute une action que lorsqu'il observe un autre mm-hmm. individu faire cette même action. Donc, ouais. C'est d'où le terme miroir, en fait. On copie ce qu'on voit et on active les mêmes neurones que si on faisait l'action pour vrai. Alors, comme bien souvent en science, ben c'est complètement par hasard qu'on a fait cette découverte-là. C'est l'équipe du médecin italien Rizzolatti de l'Université de Parme qui étudiait le comportement de neurones moteurs uniques. Donc, on regardait un seul neurone moteur à la fois. On était très, très précis dans le cortex prémoteur. Ça, c'est une partie du cerveau qui planifie et qui exécute les mouvements des singes. Donc, à l'époque, les chercheurs étudiaient un singe en train de prendre une pinotte pour la manger, tout simplement. Le neurone moteur branché, ben à ce moment-là, il va envoyer un influx nerveux à un ordinateur et on capte cet influx-là grâce à des senseurs qui sont branchés dans le cerveau. C'est rien de très, très spectaculaire. On connaissait déjà ces neurones-là depuis longtemps. C'est jusqu'au jour où un chercheur a pris une pinotte. Une pinotte qui était destinée au singe, il l'a prise. Sur la table, ou devant, en fait, un singe qui était branché. Donc, prendre une pinotte, puis pour en prendre une bouchée. Et puis, surprise, ben, le neurone va s'allumer. Oh. On répète ensuite cette même expérience-là, mais cette fois-ci avec un autre singe qui va prendre la pinotte pour aller la manger à la place du chercheur. Et le singe qui, lui, regarde cette action-là et qui a le cerveau branché produit un signal qui est encore plus fort parce qu'il reconnaît un de ses semblables faire cette action-là. Donc là, le singe, le neurone du singe s'allume comme si c'était lui qui était en train de manger la cacahuète. Puis c'est comme si, finalement, le singe avait, en quelque sorte, l'impression de bouger, de manger la cacahuète en voyant son compère le faire. Absolument. Et l'important ici, là, c'est vraiment la prise de la pinotte, mais dans l'intention de la manger. Ah. Et tout ça va suggérer que les singes réagissent donc non pas par... réfléchissent non pas par... voit pas les émotions des autres, pardon, par réflexion, par déduction, comme on le pensait jusque-là, mais ce serait plutôt par une sensation. Donc, comme tu l'as dit, Valérie, là, en vivant l'action de l'autre personne et en percevant comme ça son intention. Et à ce moment-là, à 92, c'est vraiment la révolution d'un dogme qu'on propose, ni plus ni moins, même si la découverte n'a pas été acceptée immédiatement. Il y a entre autres la revue Nature qui a rejeté l'article initial pour un manque d'intérêt général. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le domaine des neurones miroirs a littéralement explosé en neurosciences. Ça a dû déclencher en effet une effervescence en neurosciences parce qu'on se demande alors, mais si ça existe chez les singes, ça doit bien exister chez nous. Absolument. Et chez l'humain, ben, t'en conviendras, Valérie, c'est un peu difficile de trouver des volontaires à qui ouvrir le crâne pour brancher des minuscules électrodes sur un seul neurone unique du cerveau et pour observer si ce neurone-là va s'allumer quand un ami mange des peanuts en regardant, par exemple, les séries du hockey qui vont commencer ce soir. Pas sûr que je serais volontaire, c'est vrai. Disons que c'est un passé si bien. Ouais. En plus, trouver le bon neurone parmi 86 milliards de neurones qui forment notre cerveau. C'est pas exactement simple. C'est pour ça qu'on a développé des preuves des neurones miroirs chez l'humain, mais de façon indirecte. En fait, on les a obtenus notamment par résonance magnétique. Tu sais, Valérie, c'est le gros bang, ça, qui donne des images dont la couleur correspond à l'intensité de l'activité du cerveau. Là, on voit le cerveau avec toutes sortes de couleurs. Plus c'est rouge, plus l'activité est intense. Si on peut pas savoir s'il existe des neurones miroirs dans le cerveau humain précisément, on sait par contre qu'il existe des zones du cerveau qui s'activent à la fois quand on agit et quand on voit quelqu'un agir. Donc, chez l'humain, l'équivalent de la région miroir du cortex préfrontal du singe, celle qui s'occupait de gérer les mouvements, si on veut, ce serait la zone de Broca. Mais il y a aussi d'autres régions qui ont une activité miroir. Il y a donc tout un système neuronal miroir qui est en jeu chez l'humain. Ben, c'est absolument fascinant, mais on va devoir mettre les auditeurs en suspense, là, en attente. On va leur donner toutes les réponses de qu'est-ce qu'on voit avec ces zones-là, ces zones miroirs. Absolument. Après la pause, on va discuter de ce à quoi vont servir les neurones miroirs. Par exemple, leur rôle dans la rivalité canadien-Bruins qui commence ce soir. Voilà, complètement d'actualité. Alors, pause publicitaire sur CKRL au 89.1. Vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1, bien sûr, et nous poursuivons notre chronique passionnante sur les neurones miroirs avec Jean-Daniel Doucet. Jean-Daniel, tu nous expliquais que dans notre cerveau, il y a des zones qui s'activent de la même façon quand on agit, ou quand on fait une action, ou quand on voit quelqu'un d'autre faire la même action. Mais par exemple, est-ce que tu peux nous donner, est-ce qu'on connaît des exemples concrets où parce que ça semble un peu théorique quand même, donc est-ce qu'on connaît des cas concrets où ce système miroir se manifeste, où est-ce qu'il pourrait entrer en jeu? Absolument. Les neurones miroirs, on l'a dit tout à l'heure, ce sont à la base des neurones moteurs, donc qui permettent de faire une action. Alors, qui contrôle mieux ces réflexes moteurs que les sportifs? Certes. Et prenons donc l'exemple idéal avec ce soir le début de la série canadienne Bruins en deuxième ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale. Ceux qui vont écouter le match et qui sont d'anciens ou d'actuels joueurs de hockey de Ligue de garage, un peu comme moi, on va probablement ce soir là, crier, sauter de joie à l'instant où Max Pacioretty va scorer son premier but, ou encore quand le petit David Desharnais va se faire ramassé par Milan Lucic. Là, à ce moment-là, va peut-être plus grimacer et s'écrier « Ouh! » quand David va se faire ramasser par Goliath, littéralement, dans ce cas-là. Eh bien, toutes ces réactions-là qu'on risque d'avoir ce soir pourraient être dues à des neurones miroirs. Du moins, selon certains chercheurs comme Marco Iacoboni, qui est un neuroscientifique à UCLA. Comme il le disait dans un article de Leanne Schreiber, une ancienne des sports au New York Times, c'est que les neurones miroirs vont s'allumer immédiatement à la fin d'une action qui est faite dans un but donné. Si on prend l'exemple du hockey, ça pourrait être scoré. Ouais. Ce qui nous permet donc de comprendre sans réfléchir ce qui se passe dans un match de sport, par exemple. Et d'ailleurs, il y a un cinquième de nos neurones qui vont s'activer, par exemple, à la fois quand on frappe une rondelle dans un but, mais aussi quand on voit quelqu'un le faire. Ouais. Donc, si moi, je lance au but au hockey, j'ai des neurones qui s'activent. Quand je vois Max Pacioretty faire la même chose, c'est pareil. Il y a les mêmes neurones une partie des mêmes neurones qui va s'activer. Il y a aussi un plus petit nombre de neurones qui va s'activer simplement en entendant le bruit de la sirène, la fameuse lumière rouge qui s'allume. Il y a un bruit qui vient avec ça. Eh bien, on va avoir les mêmes neurones qui vont s'allumer en moindre quantité, encore une fois, que quand on entend un but, si on est allé chercher une bière dans le frigo, par exemple, pendant que le but a été compté. Donc, ça nous permet tout ça là, de littéralement vivre avec notre équipe et de compatir avec les victoires et les défaites de notre équipe, littéralement. Mais là, on peut se poser la question quand même, parce qu'on comprend bien, il va y avoir des réactions quand on va regarder nos joueurs favoris marquer un but, mais est-ce que le cerveau du fan du Canadien donc, va s'activer aussi en regardant les Bruins? Oui, c'est pas la même réaction. C'est une excellente question. Est-ce que si je vois Milan Lucic scorer un but ce soir, est-ce que mes neurones vont s'activer? Alors, toujours selon le professeur Iacoboni, il existe un biais d'imitation qui est bien connu apparemment et qui fait qu'on ressent moins d'émotions quand les Bruins vont marquer, par exemple. Alors, c'est probablement parce qu'il y a moins de neurones miroirs qui, à ce moment-là, vont s'activer. Encore là, ce serait à vérifier. Mais un vrai fan du Canadien vous dirait que, de toute façon, pour être fan des Bruins, il faut pas avoir nos neurones qui fonctionnent de façon très, très correcte. Et alors, pour moi, là, qui suis néophyte, qui n'est pas pas vraiment d'intérêt pour le hockey, ça existe, les gens comme ça, mais qui suit quand même de temps en temps un match. Est-ce que c'est vrai aussi? Est-ce que mes neurones miroirs, à moi, ils vont s'activer? Ben, dans un match de hockey, Valérie, tu activerais probablement certaines zones motrices, mais de façon un peu plus diffuse que moi ou qu'un sportif de plus haut niveau, par exemple. Et tout ça se base sur une recherche sérieuse de l'Université de Rome parue en 2008. Il y a des chercheurs dans cette étude-là qui ont recruté 10 joueurs de basketball. Donc, on laisse le hockey pour aller vers le basketball. Donc, 10 joueurs qui sont des professionnels, 10 experts, donc des journalistes ou des entraîneurs, mais qui ne jouent pas au basket, et 10 étudiants qui n'ont à peu près jamais joué au basketball, un peu comme toi, Valérie, par exemple. Donc, ils ont ensuite demandé à tous ces gens-là de prédire le résultat d'un lancer au panier présenté par vidéo, mais dont le mouvement est arrêté au tout début. OK, donc on n'en voit pas la fin. Exactement. On commence le mouvement et là, on arrête là. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les joueurs vont prédire mieux le résultat du panier, que ce soit réussi ou raté, que les experts ou même que les néophytes, évidemment. Mais même si les experts ont vu des milliers de paniers, parce qu'ils observent beaucoup le basketball, ils n'ont pas la mémoire motrice qui leur donnerait un avantage pour prédire le résultat du lancer. Donc, c'est vraiment très, très fascinant à quel point l'aspect moteur est important dans tout ça. Non seulement les athlètes vont mieux prédire les résultats... Si, quand ils voient le mouvement, ils s'imaginent, ben, ils sont capables de l'interpréter. Exact. Ils se mettent à la place de la personne qui fait le lancer. Ils se voient en train de faire les erreurs et ils peuvent les prédire à ce moment-là. Et ils vont littéralement activer aussi les mêmes régions du cerveau que s'ils lançaient le ballon. En fait, à un point tel que leur petit doigt va bouger de façon imperceptible, comme s'ils lançaient le ballon, littéralement. Donc, il y a vraiment un effet miroir. Là. Les joueurs vont vraiment se comporter comme s'ils lançaient un ballon. Les experts vont aussi, dans une moindre mesure, allumer ces mêmes zones-là de lancer le ballon, mais beaucoup moins que celles des joueurs. Puis les gens normaux, les non-sportifs, là, encore une fois, un peu comme toi, Valérie, non-sportifs d'équipe, je dois le préciser, parce que je sais que tu pratiques beaucoup de sport. Donc, dans ton cas, pour ce qui est du basket ou du hockey, ben ton système moteur serait sûrement activé, mais de façon plus diffuse que moi à ce moment-là. Maintenant, à quoi ça sert tout ça? Ben, ces zones miroirs-là qu'on active tous pourraient nous permettre de comprendre ce que les joueurs vivent, d'être empathiques avec eux et de favoriser l'appui de notre équipe. Mais alors, j'imagine que les neurones miroirs interviennent dans l'empathie à bien d'autres, dans bien d'autres circonstances que le sport. Oui, absolument. Il y a toutes sortes d'autres circonstances où le sport va vraiment nous aider. Par exemple, les neurones miroirs ont été proposés pour avoir un rôle, notamment dans la conscience humaine. On va y revenir dans un instant. Mais il y a également, de façon plus simple, un rôle dans tout ce qui est empathie et perception des émotions des autres. Donc, perception, par exemple, de la joie. Alors, quelqu'un qui va sourire, ben, notre cerveau va percevoir la joie de cette personne-là, accueillir l'information, et de façon imperceptible, nous-mêmes, on va activer nos zones motrices qui correspondent au sourire, et on va sourire. C'est perceptible, c'est très, très fin, mais on peut le percevoir avec des outils très puissants. Pour la colère, il y a un phénomène similaire qui va se produire, sauf que dans ce cas-là, on va plutôt froncer les sourcils. Il y a une région du cerveau aussi, région limbique, en l'occurrence, qui est responsable des émotions, qui va permettre même de ressentir carrément l'émotion de l'autre. Donc, on va activer la même zone du cerveau qui est responsable de l'émotion de joie, par exemple, que l'autre personne qui est devant nous. Donc, en gros, il y a clairement un lien entre notre système moteur et l'empathie. On devine un petit peu qu'on dit que le rire est communicatif, le bâillement aussi, c'est terrible, comme le bâillement. Le bâillement, c'est la même chose, absolument. Il y a peut-être une implication aussi de ces neurones miroirs là-dedans. Absolument. Puis plus que ça aussi, il y en a qui suggèrent qu'on pourrait même apprendre grâce aux neurones miroirs, absolument. Selon le site web The Brain de l'Université McGill, qui est, soit dit en passant, un excellent modèle de vulgarisation des neurosciences, ben on nous donne un exemple d'un bébé qui, pour prononcer ses premiers mots, va observer et copier le mouvement d'un adulte, le mouvement des lèvres, de la langue, pour le copier pour prononcer ses propres mots. Donc, il y a une partie de l'éducation qui passerait par le système moteur. Des chercheurs vont même plus loin là, en suggérant que les neurones miroirs soient à la base de la conscience humaine. Et il y a même le professeur V.S. Ramachandran de l'Université de Californie à San Diego qui a suggéré dans un TED Talk en 2009 que les neurones miroirs soient à l'origine de l'évolution de toute notre civilisation. Est-ce qu'on s'emballe pas un petit peu là, parce que ça semble un peu trop beau, un peu trop simple pour être vrai quand même tout ça. Ouais, disons que rapidement là, après la découverte des neurones miroirs, il y a eu vraiment un buzz autour de cette découverte là qui s'est un petit peu essoufflé disons ces dernières années. Par exemple, on soupçonnait qu'un dérèglement des neurones miroirs soit la cause de l'autisme. Ouais. Ça semble logique, hein? Autistes ont des problèmes à décoder les émotions des autres. Alors, les neurones miroirs serviraient à ça. Donc, si les neurones miroirs, des autistes répondent plus faiblement, ben, ça pourrait expliquer leur pathologie. Mm-hmm. Le hic, c'est que les autistes peuvent quand même ressentir les émotions des autres, mais simplement en retard. Ah, oui. Donc, les neurones miroirs n'expliquent pas tout dans ce cas-là. Ouais. Il y aurait aussi, par exemple, les gens atteints du locked-in syndrome. Vous savez, ceux qui sont prisonniers de leur corps, incapables de bouger, mais ils sont quand même capables de comprendre les mots des autres sans pouvoir les dire eux-mêmes, sans pouvoir avoir accès à leur système moteur eux-mêmes. Donc, il y a aussi la même chose pour les bébés, le même phénomène pour les bébés qui comprennent les mots, mais qui sont pas capables de les prononcer. Exact, donc, on n'a pas nécessairement besoin de tout ce qui est système moteur auquel appartient les neurones miroirs pour comprendre les émotions des autres. On l'a vu tout à l'heure, donc c'est pas si clair le rôle que va jouer donc les neurones miroirs dans la perception des émotions des autres. C'est peut-être simplement un mécanisme qui a un rôle à jouer dans la perception des émotions des autres, mais ça pourrait aussi simplement faciliter la compréhension ou l'empathie des autres sans être essentiel. Et même dans le pire des cas, ça pourrait simplement être une conséquence, en fait, de la perception des émotions des autres par d'autres mécanismes. Donc, c'est pas encore clair le rôle exact que ça a joué, même si on sait que les neurones miroirs ont clairement un lien. Ouais. En tout cas, ça suggère aussi qu'il y a encore pas mal de recherches. C'est une piste d'études, des découvertes fabuleuses. Et puis, on comprend qu'il y a encore pas mal d'études pour comprendre le mécanisme et leur rôle de ces fameux neurones miroirs. Donc, on n'a pas encore comment on comprend les autres. Non, absolument. On comprend pas encore bien les autres. Et bref, je nous laisse là-dessus. Le cœur a toujours ses raisons, Valérie, que la raison ne connaît point. Et j'ajouterais que c'est surtout vrai quand on est un partisan de hockey. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Daniel, pour ces fabuleux miroirs, neurones miroirs. Merci, Valérie. On fait une petite pause musicale sur CKRL, et on vous, sur ces, au 89.1, bien sûr, et on vous revient avec les émotions et l'alimentation.